Bienvenue à vous, c'est le mix de Ludo qui commence. Comme tous les vendredis soirs et le samedi soir, le vendredi à 21h, le samedi à 22h sur Sorgie FM. Des souvenirs, des nouveautés. C'est le menu du mix de Ludo. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa. C'est parti. La radio la plus proche de chez vous. Sorgie AFM. La radio la plus proche de chez vous. Qu'est-ce que tu regardes? T'as sur JFM. Hey, hey. Yeah, yeah. La radio la plus proche de chez vous. Sorgia FM. JFM. La radio la plus proche de chez vous. Ludo, le vendredi et le samedi soir sur Sorgi FM.

boss. You know we finally here, right? Well, we. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. It's live again. It's live again. It's live again. It's live again. It's Friday again. It's Saturday, Sunday. It's Friday again. I thought the hands of time would change me, and I'd be over this by now. Yeah. That's clutch. Feeling it, feeling it, feeling it. Every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave, yeah. FM. I'm Soirée-vous, le mix de Ludo qui vous accompagne le vendredi et le samedi soir. Le vendredi à 22h et le samedi... pardon, le contraire. Le vendredi à 21h, le samedi à 22h. Tout ça sur Torgia FM. Make the cut.

Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Restons dans les souvenirs avec ce mix de Ludo. Et on va accélérer un petit peu dans quelques instants. Sur le 91, sur le 102.5, Sorgi FM, la radio la plus proche de chez vous. Allez, on a encore un petit peu moins d'une heure à passer ensemble. Accélérons. Cool up! Back in the house. Yeah. Get off your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business, I've got one message for the next decade. Move your ass! Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Alright, posse! Sorgia FM. Kick Sorgi FM, la radio la plus proche de chez vous. Sorgi FM. La radio la plus proche de chez vous. rivage est de retour. JFM. le 91 et le 102.5, Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. La radio la plus large. I wanna swallow your cock. FM,

91 et le 102.5, Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. C'est une bonne soirée, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mix. FM,